Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue à FrenchPod. Je m'appelle Amaury. Je m'appelle Erica. Bonjour, bienvenue. To Upper Intermediate Lesson. Alors aujourd'hui, au cours de cette leçon, nous allons rendre hommage à une religieuse franco-belge qui s'appelle Sœur Emmanuelle. Une religieuse catholique. Tout à fait, oui. Qui a passé une grande partie de sa vie à aider les autres. Et qui malheureusement est morte en octobre 2008. Toute la France a pleuré pour elle. Toute la France s'est sentie triste. Oui, elle était beaucoup aimée en France. Elle est très connue. Oui, tout le monde a trouvé qu'elle avait fait quelque chose d'extraordinaire au cours de sa vie. Et maintenant, on va écouter deux religieuses qui parlent d'elle juste après sa mort. Ces deux religieuses, elles sont en Égypte. Oui, parce que c'est là-bas que Sœur Emmanuelle a travaillé la plupart de sa vie. Donc, il la connaissait un minimum et on va voir comment ils vont la décrire. Donc maintenant, on va écouter ce qu'elle pense de Sœur Emmanuelle. Donc, on va écouter ce qu'elles disent à propos de Sœur Emmanuelle. Ok, alors écoutons ce dialogue. Ah, elle me manque déjà. J'aurais tant aimé qu'elle ait eu le temps de revenir et de dire adieu à toutes les personnes qu'elle a aidées, ici, en Égypte. Quand j'ai appris son décès, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Moi aussi, Sœur Emmanuelle avait vraiment le cœur sur la main, toujours prête à se dévouer et à aider son prochain. Ce qui me réjouit, c'est de savoir qu'elle est morte dans son sommeil, sans souffrir. De toute façon, il faut arrêter de se lamenter. Ce n'était pas son tempérament. Tu as raison. Ce n'est certainement pas une image de tristesse qu'elle aurait voulu laisser derrière elle. Oui, ce petit bout de femme avait une énergie énorme. Elle était capable de soulever des montagnes. Toujours aller de l'avant, tel était son leitmotiv. Je me souviendrai toujours de son franc-parler et de son caractère exubérant. Et puis il ne faut pas non plus oublier que les œuvres caritatives qu'elle a créées lui survivront et qu'au travers de celles-ci, elle sera toujours présente parmi nous. Ce qui est intéressant dans ce dialogue, c'est que les religieuses, nuns... Exactement, oui. Ouais, les religieuses parlent un langage plus soutenu, en fait. Plus sophistiqué. Oui, que la majorité des personnes, oui. Et on peut apprendre d'elles en français soutenu. Oui. Sophistiqué. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi? Parce que ce sont des personnes généralement qui ont étudié beaucoup, qui ont beaucoup d'éducation. Et ensuite, c'est vrai que, de par leur fonction, elles ne peuvent pas dire de gros mots. Elles ne peuvent pas utiliser un langage trop familier. Bon, d'accord. Et on peut voir à travers ce dialogue qu'il y a beaucoup de... pas seulement des expressions très sophistiquées, mais aussi la structure. Oui, la manière dont elles parlent. Ouais, c'est très... très évolué, oui. Ouais. Alors, voyons ce qu'elles ont dit. Alors d'abord, elles commencent en disant « Elle me manque déjà ». Là, évidemment, c'est juste après sa mort. Oui. Elles ont de la peine. Et la première dit « J'aurais tant aimé qu'elle ait eu le temps de revenir ». Et de dire adieu à toutes ces personnes. Oui. Parce toutes que... les personnes qu'elle a aidées. Oui. Parce que, comme tu as dit, elle a beaucoup travaillé en Égypte. Oui. Et elle a aidé beaucoup des gens. C'est ça. Il faut savoir qu'elle n'était pas restée en Égypte jusqu'à la fin de sa vie. Quelques années avant, elle était retournée en France. C'est pour ça qu'ils disent ça ici. Et ce qui est intéressant, c'est quand quelqu'un est mort, souvent après, on emploie ce genre de structure. La structure avec le conditionnel comme « j'aurais aimé », « il aurait voulu ». Il aurait fait ceci, il aurait dit cela. En ce moment, il n'aurait pas voulu que tu sois triste. Voilà, que ce soit se passe comme ça. Par exemple. Alors après, elle dit « quand j'ai appris son décès ». Regardons cette phrase un peu. Premièrement, apprendre la mort de quelqu'un. Oui. Parce qu'il me semble qu'il manque, par exemple, une préposition là. Ah non, c'est l'expression qu'on a en français pour dire « on a appris la mort » ou le synonyme « on a appris le décès de quelqu'un ». En fait, on apprend une nouvelle. Hein. C'est ça. Et là, c'est son décès, ce qui est une autre façon de dire sa mort. Oui. La mort, c'est plutôt pour parler de la mort en général. Hein. C'est ça, oui. Mais quand on parle de quelqu'un qui vient de mourir, on dit son décès. Oui. Donc, c'est une triste nouvelle qui amène l'expression suivante « j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps ». Jolie expression pour dire qu'on a pleuré beaucoup, qu'on s'est vidé, vidé de toutes nos larmes. Alors, on apprend ce que dit la religieuse après. Donc, elle parle de Sœur Emmanuelle en tant qu'une personne très généreuse. Oui, en fait, elle avait vraiment le cœur sur la main. Oui, donc c'est quelqu'un qui est toujours prêt à aider, à rendre service. Quelqu'un de généreux, tout simplement. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en anglais, on a une expression un peu pareille. semblable, mais c'est to have your heart on your sleeve, mais le sens est complètement différent en français. Ouais. Et c'est pas l'épaule, c'est de la main. Et ça veut dire qu'on est vraiment généreux, c'est ça? Oui, exactement. On avoir le cœur sur la main. Oui, parce qu'elle était toujours prête à se dévouer. Tout à fait. Se dévouer, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre l'intérêt des autres avant son propre intérêt. Mm-hmm. Et se donner, en fait. Exactement. Voilà, on peut se dévouer à des gens ou bien à une cause, donner toute son énergie. Mm. Se dévouer. Je donne tout ce que j'ai. Oui. Mm-hmm. Alors, elle était toujours prête à se dévouer et à aider son prochain. Alors, c'est intéressant là, son prochain. Oui, une expression, aider son prochain, qu'on retrouve souvent dans la Bible. Donc, aider la prochaine personne que l'on rencontre. C'est ça que ça veut dire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en anglais, on dit aider son voisin. Oui. Mais en français, le voisin, c'est remplacé par le prochain. On n'emploiera jamais son voisin en français. Ce sera toujours son prochain. OK. Bon, voilà. Donc, on voit que les deux personnes sont tristes. Mm-hmm. Mais quand même, elles arrivent à voir un peu de positif. Oui, parce que heureusement, elle est morte dans son sommeil. Voilà. Et c'est vrai, ça, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. Sœur Emmanuelle. Oui. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on espère qu'elle n'a pas souffert. Et sœur Emmanuelle, oui. Elle n'aurait pas voulu que ces deux religieuses se lamentent, voilà, n'est-ce pas? Mm-hmm. Elle n'aurait pas voulu qu'elle soit triste. Parce que ce n'était pas son tempérament. Voilà, ça n'était pas son caractère. Mm-hmm. C'était une personne positive qui voulait agir. Donc, ce n'est pas une image de tristesse qu'elle aurait voulu laisser derrière elle. Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que cette femme, qu'on décrit ici comme un petit bout de femme... Ce petit bout de femme. Mm-hmm. Ce qui veut dire quoi quand on dit ça? C'est toujours une femme, n'est-ce pas? Ce oui. Petit bout de femme. Exactement, oui. Ça veut dire que c'était une personne qui, d'apparence, était fragile, qui n'avait pas l'air très forte. Mm-hmm. Parce qu'évidemment, elle était petite de taille. Et... Oui, et elle avait une énergie énorme. Oui. Et elle était capable de soulever des montagnes. Ah. So, on ne dit pas en français « bouger des montagnes ». Non. On dit « soulever des montagnes ». Quand on veut dire que quelqu'un peut accomplir une tâche très difficile, on dit « soulever des montagnes ». Être capable de soulever des montagnes. Alors apparemment, sœur Emmanuelle, elle avait un leitmotiv. Ok, c'était quoi? Qui était « toujours aller de l'avant ». Ok, premièrement, un leitmotiv... C'est une phrase qu'une personne dit tout le temps. C'est exactement. Son leitmotiv. Oui, quelque chose qui revient sans cesse. Alors, cette expression, sœur Emmanuelle, elle a dit tout le temps, c'était son leitmotiv. Toujours aller de l'avant, ce qui veut dire quoi? Encore une fois, ça veut dire être positif. Mm. Ne pas regarder les mauvaises choses du passé, plutôt voir les bonnes choses du futur. Aller de l'avant. Voilà. Toujours. Oui. Mm, c'est un bon leitmotiv. Tout à fait, je trouve qu'il faut adhérer à ce leitmotiv. Et c'est ce qu'elle essaie de faire, cette religieuse. Elle dit oui, je me souviendrai toujours de quoi? De son franc-parler. Son franc-parler, ça veut dire parler très directement. Exactement, franchement, tout simplement franchement. Dit la vérité, et on va en parler un peu plus tard, la manière dont sœur Emmanuelle faisait ça. Oui. Et aussi son caractère exubérant. Oui, quelqu'un d'exubérant, c'est quelqu'un qui est excessif. Énergique. Exactement, oui. Ce petit bout de femme. Et il ne faut jamais oublier les œuvres caritatives qu'elle a créées. Oui, caritatives, c'est-à-dire qu'ils sont là pour aider les autres. So, caritative, ça veut dire charitable, quand on parle des œuvres et un organisme, par exemple. C'est une œuvre caritative. Voilà, c'est lié à une fonction. On parle d'un organisme caritatif. Ou par exemple, on parle d'un organisme à caractère caritatif. Mais attention, on ne peut pas l'employer avec une personne. Non. Quelqu'un qui est charitable. Et là, en français, pour une personne, c'est la même chose, c'est charitable. Ok, ce charitable, ça existe en français. Oui. Mais c'est seulement pour les personnes. Oui. Si on parle des œuvres et des organismes, il faut dire caritative. Exactement. Tu sais, les œuvres caritatives, ils survivront. C'est ça qui est très bien ici. Parce que même si elle est morte... Dans le futur, ces œuvres qu'elle a créées seront toujours là. Alors comme ça, elle sera toujours présente parmi nous. Évidemment. Parmi les religieuses. Oui. Parmi toutes ces personnes qui étaient là avec elle. Ok. Et c'est la beauté de ce dialogue et c'est pour ça qu'on va le réécouter là maintenant. Ah, elle me manque déjà. J'aurais tant aimé qu'elle ait eu le temps de revenir et de dire adieu à toutes les personnes qu'elle a aidées, ici, en Égypte. Quand j'ai appris son décès, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Moi aussi, sœur Emmanuel avait vraiment le cœur sur la main, toujours prête à se dévouer et à aider son prochain. Ce qui me réjouit, c'est de savoir qu'elle est morte dans son sommeil, sans souffrir. De toute façon, il faut arrêter de se lamenter. Ce n'était pas son tempérament. Tu as raison. Ce n'est certainement pas une image de tristesse qu'elle aurait voulu laisser derrière elle. Oui, ce petit bout de femme avait une énergie énorme. Elle était capable de soulever des montagnes. Toujours aller de l'avant, tel était son leitmotiv. Je me souviendrai toujours de son franc-parler et de son caractère exubérant. Et puis, il ne faut pas non plus oublier que les œuvres caritatives qu'elle a créées lui survivront et qu'au travers de celles-ci, elle sera toujours présente parmi nous. Alright, so we're back. It's time for the subjunctive tip of the day. Real quick, we'll say. This time is interesting because... what was the phrase? It was a pretty tough one, actually. J'aurais tant aimé qu'elle ait eu le temps de revenir. The base word is actually aimer. Oui. J'aimerais que tu sois... J'aimerais que tu fasses... J'aimerais que tu viennes. J'aurais tant aimé que tu sois venu à la fête... ce week-end. Vendredi, oui, je suis désolée, j'ai pas pu venir. It's okay. So, et maintenant, j'aimerais que tu dises un peu plus de détails sur la vie de sœur Emmanuel. D'accord, oui. Donc, ce dont j'aimerais vraiment parler ici, c'est le fait qu'elle était vraiment populaire en France. Yeah, she was really, really well known. She's like Mother Teresa of France. Exactement, oui. And everybody was really upset when she died, right? Tout à fait. Beaucoup de personnes en France ont été très tristes. Quand disons appris son décès. Exactement, oui. Parce qu'en plus, cette personne, quand elle faisait une interview en France, que ce soit à la télé, dans un journal, elle parlait toujours de manière très franche. Donc, ce qu'on aimait beaucoup, c'est qu'elle parlait aux politiciens, aux journalistes ou à toutes les personnes qu'elle rencontrait en leur décrivant vraiment la situation telle qu'elle était, en disant que c'était difficile, qu'il fallait faire quelque chose, fallait bouger les choses. So for like humanitarian things going on in the world or in Egypt only, because she did a lot of her work in Egypt, right? Oui, majoritairement en Égypte, où comme on le sait, la situation était très difficile. Elle vivait dans les bidonvilles, elle vivait dans les quartiers pauvres et elle demandait de l'aide clairement. Elle disait aux gens, arrêtez de dire n'importe quoi, maintenant moi il faut qu'on m'aide. Il faut être présent, bougez, faites quelque chose, arrêtez avec vos paroles. And she wrote books too, right? Exactement, oui. Were they mostly about religion? À propos de son expérience, à propos de la pauvreté et comment la religion lui a donné la force, l'a aidé à faire toutes ces choses formidables, à aider les enfants, à aider les plus pauvres, à construire des maisons. And so she's very known throughout France. Everyone knows who Sœur Emmanuel is. Tout à fait, oui. Okay. Well, so before we go, I think we should just review real quick. We had a lot of idioms in this lesson. So first, we learned how to say to cry my eyes out. Pleurer toutes les larmes de mon corps. Another idiom we learned is if you want to talk about somebody who's really generous and very generous with their time, money, or... Dans ce cas, on peut dire que cette personne a le cœur sur la main. And what about like, oh, that little thing of a woman over there. Ce petit bout de femme. And one more, we learned that when we say to move mountains because you really make stuff happen and you have like this amazing power, you say soulever des montagnes. C'est ça. You pick them up. Ouais. Okay, so, bon. Voilà, maintenant, on se retrouve évidemment sur FrenchPod. Come to the site FrenchPod.com and we could have maybe it would be an interesting exercise for you to try to employ these idioms in a sentence. Oui. Et n'oubliez pas qu'on peut continuer cette conversation sur le site. So, merci. À très bientôt. Au revoir.